louer le Seigneur avec nous. Amen. Il est digne de gloire. Nous voici devant toi pour te glorifier, te magnifier, toi le Dieu créateur de.